بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في الحديث 86 كتخوسيم حديث تجوز باب أو كتاب الصلاة صفة الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن البناني عن أنس بن مالك قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول قائل قد نسيه، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول قائل قد نسيه. طيب نقول ثابت البناني il dit que Anas bin Malik leur a dit venez je vais vous apprendre je vais faire pour vous la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et yani, précise sans négligence dans le sens takriban comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat yani, sans négliger quoi que ce soit dans le sens. طيب ثابت il a dit alors Anas faisait une chose que je ne vois pas faire. Il parle aux gens de son époque. Il dit Anas lorsqu'il levait la tête de l'inclinaison, il restait debout un moment à tel point que quelqu'un dirait est-ce qu'il a oublié, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Et lorsqu'il relevait sa tête du soujoud, il restait un moment à tel point que quelqu'un dirait est-ce qu'il a oublié. Ou plutôt, il a oublié. Non, il a oublié. Ce n'est pas une interrogation, c'est plutôt une affirmation. Certes, il a oublié. طيب, يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. الروايان. أولا, le premier c'est ثابت ابن أسلم البناني. مولاهم البصري رحمه الله تعالى. أحد الأعلام ثقة عابد من التابعين مات سنة 27 و100. Donc lui, c'était un tabi'i qui était thiqa, fiable. C'est un grand dévot dans l'adoration. Et il est mort l'an 127. Et Anas bin Malik, radiallahu anhu, Abu Hamza, dont on a déjà parlé auparavant. Il y a quoi le mordou al-hadith, le sujet du hadith, « Bayen hukm tatouil al-qiyam ba'da al-ruku' wa al-julus bayna as-sajdatayn » Donc ce hadith a pour thème de montrer le jugement du fait de rester longtemps debout après s'être incliné et l'assise qu'il y a entre les deux prosternations. Le temps que l'on raccorde, que l'on accorde à ces deux moments-là. Yaqul Fadilat al-Sheikh fil Shah al-Ijmali dans le sens global du hadith. Kana an-nasu mundhu awakhir 'asr as-sahabati رضي الله عنهم يخفف كثير منهم القيام بعد الركوع والجلوس من السجدتين. Donc il dit beaucoup de gens après l'époque des Sahaba, beaucoup d'entre eux allégeaient la posture debout après l'inclinaison et ainsi que l'assise, la posture assise entre les deux prosternations. وفي هذا الحديث يخبر ثابت البناني وهو أحد التابعين أن أنس بن مالك كان يقول إني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. Et dans ce hadith, ثابت البناني nous informe que Anas ibn Malik leur a dit que je ne vais pas négliger le fait de vous faire la salat du Nabi صلى الله عليه وسلم comme il le faisait pour nous. وأنه كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين حتى يقول قائل قد نسي من طول ما يمكث. Et que justement, il allongeait la posture debout, station debout, après la clinaison, ainsi que la position assise entre les deux prosternations, à tel point que quelqu'un dirait il a déjà oublié, tellement il restait longtemps. Naam. Donc ce sont ces deux points-là qui sont les choses à retenir de ce hadith. يقول في فوائد الحديث dans les enseignements du hadith. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بالسنة وحث الناس عليها. l'importance que donnaient les Sahaba à l'accroche à la Sunna et comment ils incitaient les gens de l'appliquer, à l'appliquer. ثانياً أن المشروع تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. Et que ce qui est légiféré justement, c'est de rallonger la posture debout après l'inclinaison, et ainsi que la posture assise, qu'il y a lieu entre les deux prosternations. وكذلك أنه لا يكره للمرء لا يكره للمرء مدح علمه إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين. Et qu'il n'est pas détestable de la personne de vanter sa science, si cela est pourquoi, et pour un intérêt qui apporte à l'islam ou aux musulmans. Le fait que Anas a dit qu'il allait leur montrer la salade du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sans négliger quoi que ce soit. Donc celui qui fait une chose en vantant la chose qu'il fait, et qui a un intérêt derrière pour la communauté, pour leur souligner l'importance de la chose, alors il n'y a pas de mal. Surtout quand c'est venu de quelqu'un qui est connu à la base pour être modeste, et qui est des gens qui méritent justement d'avoir cette position au milieu des gens. C'est-à-dire c'est un savant, c'est une personne de noble rang dans le ilm. Et là, c'est un sahabi qui parle. Là, c'est un sahabi qui parle. Wa kada. Hadha alladhi akhadhna al-yawm min al-hadith. Walhamdulillah bil alamin.